Premier livre de Samuel, chapitre 18. Or il arriva qu'aussitôt que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David, tellement que Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour-là donc Saül le prit, et ne lui permit plus de retourner en la maison de son père. Et Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait, et le donna à David, avec ses vêtements, même jusqu'à son épée, son arc, et son baudrier. Et David était employé aux affaires, et partout où Saül l'envoyait, il réussissait, de sorte que Saül l'établit sur des gens de guerre, et il fut agréable à tout le peuple, et même aux serviteurs de Saül. Or il arriva que comme il revenait, et que David retournait de la défaite du Philistin, il sortit des femmes de toutes les villes d'Israël, en chantant et dansant au devant du roi Saül, avec des tambours, avec joie, et avec des cymbales. Et les femmes qui jouaient des instruments s'entre-répondaient, et disaient, « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Et Saül fut fort irrité, et cette parole lui déplut, et il dit, « Elles en ont donné 10 000 à David, et à moi, 1000, il ne lui manque donc plus que le royaume. » Depuis ce jour-là Saül avait l'œil sur David. Et il arriva, dès le lendemain que l'esprit malin envoyé de Dieu saisit Saül, et il faisait le prophète au milieu de la maison, et David joua de sa main, comme les autres jours, et Saül avait une hallebarde dans sa main. Et Saül lança la hallebarde, disant en soi-même, « Je frapperai David, et la muraille », mais David se détourna de devant lui par deux fois. Saül donc avait peur de la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et qu'il s'était retiré d'avec Saül. C'est pourquoi Saül éloigna David de lui, et l'établit capitaine de 1000 hommes, et David allait et venait devant le peuple. Et David réussissait en tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Saül donc voyant que David prospérait beaucoup, le craignit. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il allait et venait devant eux. Et Saül dit à David, « Voici, je te donnerai Merab ma fille aînée pour femme, sois-moi seulement un fils vertueux, et conduis les batailles de l'Éternel, car Saül disait, « Que ma main ne soit point sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Et David répondit à Saül, « Qui suis-je, et quelle est ma vie, et la famille de mon père en Israël, que je sois gendre du roi ?» Or il arriva qu'au temps qu'on devait donner Merab fille de Saül à David, on la donna pour femme à Adriel Méolatite. Mais Michal l'autre fille de Saül aima David, ce qu'on rapporta à Saül, et la chose lui plut. Et Saül dit, « Je la lui donnerai afin qu'elle lui soit en piège, et que par ce moyen la main des Philistins soit sur lui. » Saül donc dit à David, « Tu seras aujourd'hui mon gendre par l'une de mes deux filles. » Et Saül commanda à ses serviteurs de parler à David en secret, et de lui dire, « Voici, le roi prend plaisir en toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois donc maintenant gendre du roi. » Les serviteurs donc de Saül, redirent toutes ces paroles à David, et David dit, « Pensez-vous que ce soit peu de chose d'être gendre du roi, vu que je suis un pauvre homme, et de nulle estime ?» Et les serviteurs de Saül lui rapportèrent cela, et lui dirent, David a tenu de tels discours. Et Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande d'autre douaire, que 100 prépuces de Philistins, afin que le roi soit vengé de ses ennemis. Or Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Et les serviteurs de Saül rapportèrent tous ces discours à David, et la chose lui plut, pour être gendre du roi. Et avant que les jours fussent accomplis, David se leva, et s'en alla, lui et ses gens, et frappa 200 hommes des Philistins, et David apporta leurs prépuces, et on les livra bien comptés au roi, afin qu'il fût gendre du roi. Et Saül lui donna pour femme Michal sa fille. Alors Saül aperçut et connut, que l'Éternel était avec David, et Michal fille de Saül l'aimait. Et Saül continua de craindre David, encore plus qu'auparavant, tellement que Saül fut toujours ennemi de David. Or les capitaines des Philistins sortirent en campagne, et dès qu'ils furent sortis, David réussit mieux que tous les serviteurs de Saül, et son nom fut en fort grande estime.